Hey, on a rendez-vous chez Fatimata ce soir. Rendez-vous ce soir sur Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir sur Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir. Fatimata, nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami.